Mais je suis très content que plusieurs centaines de belles femmes de la région de Québec, de femmes accomplies, aient répondu à cette invitation-là, puis soient passées par-dessus l'intimidation et le bullying, parce qu'il y en a. Et il y a rien de pire qu'une femme qui en intimide une autre. Puis souvent, ça part d'un malaise. Moi, le problème, c'est pas la femme qui décide. Moi, je pose en string pour un calendrier pour financer la recherche concernant des maladies. La femme qui a un problème, c'est celle-là que ça dérange, moi. C'est bien de valeur, là. Mais pourquoi ça les dérange tant que ça? Pourquoi on valorise les femmes à moustache ou les femmes qui ressemblent à Rob Ford au Québec? J'avais peur que les duchesses version 2013-2014, ça devienne ça. Garde, je sais, pour avoir parlé avec quelques personnes du carnaval hier soir, là, ils s'attendent, par exemple, à voir, en plein mois de février, là, une femelle qui va arriver en manteau de fourrure devant le palais de bonhomme, qui va l'enlever, puis qui est, avec sa coupe de cheveux de Jim Carrey, va essayer de faire un coup d'éclat. Parfait. Et je pense qu'ils ont accepté ça au carnaval, que les féministes vont tenter de les attaquer. Ils ont décidé de passer outre à ça. Parfait. Ils ont décidé d'oublier ça puis de laisser faire ça. Et nous autres, la journée où ça va arriver, là, au lieu de nous offusquer puis faire trois jours de nouvelles avec ça, OK, on rit puis on applaudit. Ouais. Tu sais, quand t'as un petit pioui sans farge dans la patinoire, dans ses bottines, pis qu'il y a de la misère à se relever, là, pis ça te prend 25 secondes, pis tout le monde est mal à l'aise. Quand tu réussis à se relever debout, qu'est-ce qu'on fait? On applaudit. On applaudit un peu par compassion. Par pitié, un peu. Ben là, c'est parce que s'il nous présente encore la fémène qui avait la coupe de cheveux de Jim Carrey dans La Cloche et Lydia. Ouais. Ça va arriver, là. Ça se peut que notre premier réflexe, ce ne soit pas d'applaudir. Ouais. Mais bravo. Mais je vous invite à le faire quand même. Puis bravo Carnaval qui a décidé de se foutre de ça. Oui. Wow, qui a décidé carrément d'aller de l'avant puis de mettre ça de côté puis de ramener les duchesses. J'avais peur que la beauté et le charme d'une femme ce soient des critères qui jouent contre les duchesses 2013-2014. Puis je comprends les craintes que t'avais là, tu sais, la tentation de faire un concours de filles où on aurait complètement écarté le charme et le charisme et la beauté là. Elle aurait pu il aurait pu tomber là-dedans le carnaval aussi, mais le charme va compter. Puis je suis content qu'on ait décidé d'affronter le courant de rectitude politique. Carnaval est de retour! Toute la beauté du son mono. À Québec,